Voici quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus en copie durant cette période. Paris, 6 mars 1898. Quoique mes lettres soient bien banales et d'une monotonie désespérante, je ne puis pas résister au désir de me rapprocher de toi, de venir causer un peu. Vois-tu, il y a des moments où mon cœur est tellement gonflé, où l'écho de tes souffrances retentit en moi avec une telle force, une telle acuité que je ne peux plus me dominer. Ma volonté m'abandonne, j'étouffe de chagrin. La séparation me pèse trop, elle est trop cruelle. Dans un élan de tout mon être, je tends les bras vers toi. Dans un effort suprême, je cherche à t'atteindre, à te consoler, à te ranimer. Je crois alors être près de toi. Je te parle doucement, je te redonne courage, je te fais espérer. Trop vite, je suis tirée de mon rêve par la voix d'un enfant, par un bruit du dehors qui me ramène brusquement à la réalité. Je me retrouve alors bien isolée, bien triste en face de mes pensées, et surtout de tes souffrances. Combien tu as dû être malheureux d'être privé de nouvelles, ainsi que tu me le dis dans ta lettre du 6 janvier. N'oublie pas, quand tu ne reçois pas mes lettres, que je suis en pensée avec toi, que je ne t'abandonne ni nuit, ni jour, et que si la parole ne peut t'apporter l'expression de mon profond amour, aucun obstacle ne peut entraver l'union de nos cœurs, de nos pensées. Paris, 7 avril 1898. Je viens de recevoir ta lettre du 5 mars. Ce sont des nouvelles relativement récentes pour nous qui sommes habitués à tant souffrir de l'irrégularité des courriers. Et j'ai eu une agréable surprise en voyant une date aussi rapprochée. Comme les malheurs vous changent, avec quelle résignation on est obligé d'accepter des choses qui vous semblent impossibles à supporter. Quand je dis que j'accepte avec résignation, c'est inexact. Je ne récrimine pas parce que, jusqu'à ce que ta pleine innocence soit reconnue, je dois vivre et souffrir ainsi. Mais au fond, mon être se révolte, s'indigne. Et, comprimé par ces longues années d'attente, il déborde d'impatience à peine contenue. Paris, 5 juin 1898. Me voici encore accoudé à ma table, songeant tristement et perdu dans mes pensées. Je venais t'écrire et comme il m'arrive 20 fois par jour, je me suis laissé aller à une longue rêverie. C'est vers toi que je me sauve ainsi à tout instant. Je donne à mes nerfs une détente en m'échappant, et ma pensée va rejoindre mon cœur qui est toujours avec toi dans ton lointain exil. Je viens te rendre visite souvent, bien souvent, et puisqu'il ne m'a pas encore été permis de venir te rejoindre, je t'apporte tout ce qui est moi-même, toute ma personne morale, toute ma pensée, ma volonté, mon énergie et surtout mon amour, toutes choses intangibles et qu'aucune force humaine ne pourrait enchaîner. Paris, 25 juillet 1898. Quand je me sens trop triste et que le fardeau de la vie me semble trop lourd, trop difficile à supporter, je me détourne du présent, j'évoque mes souvenirs et je retrouve des forces pour continuer la lutte. Lucie. Cette lettre fut la seule du mois de juillet qui me parvint. À partir de cette époque, les lettres originales reprennent. Pour moi, les journées s'écoulaient dans une impatience extrême, ne comprenant rien à ce qui se passait autour de moi. Quant aux demandes que j'adressais au chef de l'État, il m'était invariablement répondu. Vos demandes ont été transmises suivant la forme constitutionnelle aux membres du gouvernement, puis plus rien. J'attendais toujours quelle était la suite définitive donnée à mes demandes de révision. J'ignorais totalement la loi, à plus forte raison la loi nouvelle sur la révision qui date de 1895, c'est-à-dire d'une époque où j'étais déjà en captivité. Une demande faite pour obtenir un code en communication fut repoussée. Au mois d'août 1898, j'écrivis à ma femme. Île du Salut, 7 août 1898. Quoique je t'aie écrit deux longues lettres par le précédent courrier, je ne veux pas laisser partir ce courrier sans t'envoyer l'écho de mon immense affection, sans venir te parler, te faire entendre toujours les mêmes paroles qui doivent soutenir ton invincible courage. La claire conscience de notre devoir doit nous rendre stoïques envers le reste, si atroce que soit le destin. Il faut avoir l'âme assez haute pour le dominer jusqu'à ce qu'il s'incline devant toi. Les paroles que je te redis depuis si longtemps sont et demeurent invariables. Mon honneur est mon bien propre, le patrimoine de nos enfants, et doit leur être rendu. Cet honneur, je l'ai réclamé à la patrie. Je ne puis que souhaiter que notre effroyable martyr ait enfin un terme. Dans mes précédentes lettres, je t'ai parlé longuement de nos enfants, de leur sensibilité dont tu te plaignais, quoique je sois assurée que tu élèves admirablement ces chers petits. Si j'y reviens, c'est que dans le bonheur, ils étaient le but unique de nos pensées. Dans le malheur immérité qui nous a frappés, ils sont notre raison de vivre. La sensibilité est donc toujours celle qui s'adresse aux choses de l'esprit et du cœur, est le grand ressort de l'éducation. Quelle prise peut-on avoir sur une nature indolente ou insensible? C'est surtout par l'influence morale qu'il faut agir, aussi bien pour l'éducation que pour le développement de l'intelligence. et celle-ci ne peut s'exercer que sur un être sensible. Je ne suis pas partisan des châtiments corporels, quoiqu'ils soient parfois nécessaires pour les enfants d'un naturel indocile. Une âme menée par la crainte en reste toujours plus faible. Un visage triste, une attitude sévère suffisent à un enfant sensible pour lui faire comprendre sa faute. Cela me fait toujours du bien de venir me rapprocher de toi, de parler de nos enfants, d'un sujet qui, après avoir été dans le bonheur celui de nos conversations familières, est aujourd'hui celui de notre raison de vivre. Et si je n'écoutais que mon cœur, je t'écrirais plus souvent, car il me semble ainsi, pure illusion je le sais, mais qui soulage néanmoins, qu'au même instant, à la même minute, tu sentiras, à travers la distance qui nous sépare, battre un cœur qui ne vit que pour toi, pour nos enfants, un cœur qui t'aime. Mais au-dessus de tout plane le culte de l'honneur, au sens absolu du mot. Il faut se dégager tout aussi bien des passions intérieures que la douleur soulève, que de l'oppression produite par les choses extérieures. Cet honneur donc qui est mon bien propre, le patrimoine de nos enfants, leur vie, il faut le vouloir courageusement, infatigablement, sans jactance, mais aussi sans faiblesse. Alfred. En même temps, je demandais par lettre, par télégramme, quelle était la suite définitive donnée à mes demandes de révision, pour lesquelles j'obtenais toujours la même réponse énigmatique. Mais le silence toujours, était la seule réponse que j'obtenais. J'ignorais les événements qui s'étaient passés, qui se passaient encore en France. Enfin, espérant obtenir par un moyen extrême une réponse, je déclarai en septembre 1898 que je cessais ma correspondance en attendant la réponse à mes demandes de révision. Cette déclaration fut inexactement transmise par câble à ma femme, et l'on verra à quels incidents elle donna lieu. En octobre, je reçus le courrier du mois d'août de ma femme, exprimant toujours le même espoir, qu'il lui était malheureusement impossible dans sa correspondance épluchée et si souvent supprimée, d'étayer par des faits précis. Je renouvelai ma demande, tendant à obtenir une réponse à mes demandes de révision. Le 27 octobre 1898, alors que j'ignorais encore qu'une demande en révision avait été introduite par ma femme, que cette demande avait été transmise à la Cour de cassation pour y être examinée, on me fit dire enfin que j'allais recevoir une réponse définitive à mes demandes de révision adressées au chef de l'État. J'écrivis aussitôt à ma femme la lettre suivante. Île du Salut, 27 octobre 1898. Quelques lignes pour t'envoyer l'écho de mon immense affection, l'expression de toute ma tendresse. Je viens d'être informée que je recevrai la réponse définitive à mes demandes de révision. Je l'attends avec calme et confiance, ne doutant pas que cette réponse soit ma réhabilitation. Alfred. Quelques jours plus tard, dans les premiers jours de novembre, je reçus le courrier du mois de septembre de ma femme, par lequel elle m'annonçait qu'il s'était produit des événements graves que j'apprendrai plus tard, et qu'elle avait introduit une demande en révision qui avait été acceptée par le gouvernement. Cette nouvelle venait donc coïncider avec la réponse qui m'avait été donnée le 27 octobre précédent. J'écrivis aussitôt à ma femme. Île du Salut, 5 novembre 1898. Je viens de recevoir ton courrier du mois de septembre, par lequel tu me donnes de si bonnes nouvelles. Par ma lettre du 27 octobre dernier, je t'ai fait connaître que j'étais déjà informée que je recevrais la réponse définitive à mes demandes de révision. Je t'ai dit dès alors que j'attendais avec confiance, ne doutant pas que cette réponse soit enfin ma réhabilitation. Alfred. J'ignorais toujours que la demande en révision avait été transmise par le gouvernement à la Cour de cassation, et que même des débats avaient déjà eu lieu. Le 16 novembre 1898, je reçus un télégramme ainsi conçu. Gouverneur à déporter Dreyfus par commandant supérieur des îles du Salut. Vous informe que chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré recevable en la forme demande en révision de votre jugement et décidé que vous seriez avisé de cet arrêt et invité à produire vos moyens de défense. Je compris que la demande avait été déclarée recevable en la forme par la Cour et qu'il allait s'ouvrir des débats sur le fond. Je fis connaître que je désirais être mis en communication avec Maître de Mange, mon défenseur, en 1894. Je ne savais d'ailleurs rien de ce qui s'était passé depuis cette époque. J'en étais toujours au bordereau, pièce unique du dossier. Je n'avais pour ma part rien à ajouter à ce que j'avais déjà dit devant le premier conseil de guerre, rien à modifier à la discussion du bordereau. J'ignorais qu'on avait modifié la date d'arrivée du bordereau, modifié les hypothèses qui avaient été émises au premier procès sur les différentes pièces énumérées au bordereau. Je croyais donc l'affaire bien simple et réduite, comme au premier conseil de guerre, à une discussion sur l'écriture. Le 28 novembre 1898, je fus autorisé à circuler de 7h à 11h et de 2h à 5h du soir dans l'enceinte du camp retranché. On appelait camp retranché l'espace compris dans une enceinte en pierre sèche de 80 cm environ de hauteur, enceinte qui entourait la caserne des surveillants située à côté de ma case. La promenade consistait donc en réalité en un couloir en plein soleil qui contournait la case et ses dépendances. Mais je revoyais la mer que je n'avais plus vue depuis plus de 2 ans, Je revoyais la maigre verdure des îles. Mes yeux pouvaient se reposer sur autre chose que sur les quatre murs de la case. En décembre, je ne reçus pas de courrier de ma femme. Aucune des lettres qu'elle m'écrivit dans le courant du mois d'octobre 98 ne me parvint jamais. L'impatience me gagna durant ce mois. Je demandais des explications. Je demandais quand les débats s'ouvriraient sur le fond à la Cour de cassation. Je ne savais pas que les débats avaient eu lieu les 27, 28 et 29 octobre. Aucune réponse ne me fut donnée. Le 28 décembre 1898, je reçus une lettre de ma femme ainsi conçue. Paris, 22 novembre 1898. Je ne sais si tu as reçu mes lettres du mois dernier dans lesquelles je te racontais dans leurs grandes lignes les efforts que nous avions faits pour arriver à pouvoir demander la révision de ton procès, puis la procédure engagée et la recevabilité de la demande. Chaque nouveau succès, quoiqu'il me rendît bien heureuse, était empoisonné par l'idée que toi, pauvre malheureux, tu étais dans l'ignorance des faits et que sans doute tu étais en train de désespérer. Enfin, la semaine dernière, j'ai eu l'immense joie d'apprendre que le gouvernement t'envoyait un télégramme t'avertissant de la recevabilité de la demande. J'ai eu connaissance, il y a 15 jours, d'une lettre de toi dans laquelle tu aurais, paraît-il, déclaré ta résolution de ne plus écrire, même à moi. Lucie. Outrée par une interprétation aussi inexacte de ma pensée, j'écrivis aussitôt à M. le gouverneur de la Guyane une lettre conçue à peu près dans ces termes. Par la lettre que je viens de recevoir de Mme Dreyfus, je vois qu'il lui a été donné connaissance, en partie seulement, d'une lettre que je vous avais adressée en septembre dernier, ou déclarant que je cessais ma correspondance en attendant la réponse aux demandes de révision que j'avais adressées au chef de l'État. En ne communiquant à Mme Dreyfus qu'un extrait de ma lettre, on lui a donné une interprétation qui a dû être plus que douloureuse pour ma chère femme. Il y a donc un devoir de conscience pour celui que j'ignore et que je veux ignorer qui a commis cet acte et à qui il appartient de réparer. J'appris que ce don dont on avait donné connaissance à ma femme était une transmission par câble de ma lettre et que celle-ci avait été inexactement câblée. En même temps, j'écrivis à ma femme la lettre suivante. Île du Salut, 26 décembre 1898. J'étais sans lettre de toi depuis 2 mois. J'ai reçu il y a quelques jours ta lettre du 22 novembre. Si j'ai momentanément clos ma correspondance, c'est que j'attendais la réponse à mes demandes de révision et que je ne pouvais plus que me répéter. Depuis, tu as dû recevoir de nombreuses lettres de moi. Si ma voix eût cessé de se faire entendre, c'est qu'elle eût été éteinte à tout jamais, car si j'ai vécu, c'est pour vouloir mon honneur, mon bien propre, le patrimoine de nos enfants, pour faire mon devoir, comme je l'ai fait partout et toujours, et comme il faut toujours le faire quand on a pour soi le bon droit et la justice, sans jamais craindre rien ni personne. Alfred. Les nouvelles que j'avais reçues dans ces derniers mois m'avaient apporté un soulagement immense. Je n'avais jamais désespéré, je n'avais jamais perdu foi en l'avenir, convaincu dès le premier jour que la vérité serait connue, qu'il était impossible qu'un crime aussi abominable auquel j'étais si complètement étranger pût rester impuni. Mais ne connaissant rien des événements qui se passaient en France, voyant au contraire chaque jour la situation qui m'était faite devenir plus atroce, frappée sans cesse et sans cause, obligée de lutter nuit et jour contre les éléments, contre le climat, contre les hommes, j'avais commencé à douter de voir pour moi-même la fin de cet horrible drame. Ma volonté n'en était pas amoindrie, elle était restée aussi inflexible, mais j'avais des moments de désespoir farouche pour ma chère femme, pour mes chers enfants, en pensant à la situation qui leur était faite. Enfin l'horizon s'éclaircissait. J'entrevoyais pour les miens, comme pour moi-même, un terme à cet affreux martyre. Il me sembla que le cœur se déchargeait d'un poids immense, je respirais plus librement. Fin décembre, je reçus le réquisitoire introductif du 15 octobre 1898 du procureur général à la Cour de cassation. Je le lus avec une profonde stupéfaction. J'appris l'accusation portée par mon frère contre le commandant Esterhazy, que je ne connaissais pas, son acquittement, le faux, l'aveu et le suicide d'Henri. Mais le sens de bien des incidents m'échappa. Le 5 janvier 1899, je fus interrogé sur commission rogatoire par le président de la cour d'appel de Cayenne. Mon étonnement fut grand d'entendre parler pour la première fois de ces prétendus aveux, de cette misérable transformation de paroles prononcée le jour de la dégradation et qui était au contraire une protestation, une déclaration véhémente de mon innocence. Puis les journées, les mois s'écoulèrent sans recevoir de nouvelles précises, ignorant ce que devenait l'enquête de la cour. Chaque mois, ma femme, dans ses lettres qui me parvenaient, souvent avec un retard considérable, dans ses dépêches, me disait son espoir d'un terme prochain à nos souffrances, et ce terme je ne le voyais pas venir. Dans les derniers jours de février, je remis comme d'habitude au commandant du pénitencier, Deniel, la demande de vivres et objets nécessaires pour le mois suivant. Je ne reçus rien. J'avais pris la résolution absolue, dont je ne m'étais pas départie depuis le premier jour, de ne pas réclamer, de ne jamais discuter sur l'application de la peine, car c'eût été en admettre le principe, principe que je n'avais jamais admis. Aussi, je ne dis rien, et je me passais de tout durant le mois de mars. À la fin du mois, Daniel vint me dire qu'il avait égaré ma commande, et qu'il me priait d'en refaire une autre. S'il l'avait réellement égaré, il s'en serait aperçu dès le retour du bateau chargé de chercher les vivres à Cayenne. Cet acte a trop bien coïncidé avec le vote de la loi de dessaisissement pour ne pas penser que ce fait en a été la cause. À ce moment, je ne connaissais pas la basse besogne à laquelle cet homme s'était livré. Je ne l'appris qu'à mon retour en France. Je le croyais un simple instrument, d'autant plus qu'il s'empressait toujours de me dire « je ne suis qu'un agent d'exécution ». Et je savais qu'on trouve des individus pour toutes les besognes. Aujourd'hui, j'ai tout lieu de penser que bien des mesures furent prises sur sa propre initiative, que l'attitude de certains surveillants lui est due. Quant à moi, j'ignorais la loi de dessaisissement, et je ne pouvais comprendre la longueur de l'enquête. Celle-ci me paraissait toute simple, puisque je ne connaissais que le bordereau. Je demandai à plusieurs reprises des renseignements. Il est presque inutile de dire qu'ils ne me furent jamais donnés. Si mon énergie morale ne faiblit pas durant ces 8 longs mois où j'attendais chaque jour, à chaque heure du jour, la décision de la Cour suprême, par contre mon épuisement physique et cérébral ne fit que s'accentuer dans cette attente angoissante et affolante. Le lundi 5 juin 1899, à midi et demi, le surveillant-chef vint précipitamment dans ma case et me remit la note suivante. « Veuillez faire connaître immédiatement capitaine Dreyfus, dispositif cassation ainsi conçu. La Cour casse et annule jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris et renvoie l'accusé devant le conseil de guerre de Rennes, etc. etc. » dit que le présent arrêté sera imprimé et transcrit sur les registres du premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris en marge de la décision annulée. En vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis au régime déportation, devient simple prévenu, est replacé dans son grade et peut reprendre son uniforme. Faites opérer levée d'écrou par l'administration pénitentiaire et retirez surveillant militaire de l'île du Diable. En même temps, faites prendre en charge le prévenu par le commandant des troupes et remplacez surveillant par brigade de gendarmerie qui assurera le service de garde de l'île du Diable en position réglementaire des prisons militaires. Croiseur Sfax part aujourd'hui de Fort-de-France avec ordre d'aller chercher prévenu île du Diable pour le ramener en France. Communiqué à capitaine Dreyfus, dispositif arrêt et départ, Sfax. Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant 5 ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées. L'aube de la justice se levait enfin pour moi. Après l'arrêt de la cour, je croyais que tout allait en être fini, qu'il ne s'agissait plus que d'une simple formalité. De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais resté à 1894, au bordereau, pièce unique du dossier, à la sentence du conseil de guerre, à l'effroyable parade d'exécution, au cri de mort d'une foule abusée. Je croyais à la loyauté du général de Bois de Fré. Je croyais à un chef de l'État, Félix Faure, tout anxieux de justice et de vérité. Un voile s'était ensuite étendu devant mes yeux, rendu plus impénétrable chaque jour. Les quelques faits que j'avais appris depuis quelques mois m'étaient restés incompréhensibles. Je venais d'apprendre le nom d'Esterhazy, le faux du lieutenant-colonel Henri, son suicide. Je n'avais eu que des rapports de service avec l'héroïque lieutenant-colonel Picard. La lutte grandiose engagée par quelques grands esprits et pris de lumière et de vérité m'était totalement inconnue. Dans l'arrêt de la cour, j'avais lu que mon innocence était reconnue et qu'il ne restait plus au conseil de guerre devant lequel j'étais renvoyé que l'honneur de réparer une effroyable erreur judiciaire. Dans le même après-midi du 5 juin, je remis la dépêche suivante pour être adressée à ma femme. De cœur et d'âme avec toi, enfants, tous, par vendredi, attends avec immense joie le moment de bonheur suprême de te serrer dans mes bras, 1000 baisers. Dans la soirée arriva de Cayenne la brigade de gendarmerie chargée d'assurer ma garde jusqu'au départ. Je vis partir les surveillants. Il me semblait marcher dans un rêve au sortir d'un long et épouvantable cauchemar. J'attendis anxieusement l'arrivée du Sfax. Le jeudi soir, je vis apparaître au loin un panache de fumée. Bientôt, je reconnus un navire de guerre. Mais il était trop tard pour que je puisse embarquer. Grâce à l'obligeance de monsieur le maire de Cayenne, j'avais pu recevoir un costume, un chapeau, quelques linges, ce qui m'était en un mot strictement nécessaire pour mon retour en France. Le vendredi matin, 9 juin, à 7 heures, on vint me chercher à l'île du Diable, dans la chaloupe du pénitencier. Je quittais enfin cette île maudite où j'avais tant souffert. Le Sfax, à cause de son tirant d'eau, était stationné fort loin. La chaloupe me conduisit jusqu'à l'endroit où il était ancré, Mais là, je dus attendre pendant 2 heures qu'on voulût bien me recevoir. La mer était forte et la chaloupe, vraie coquille de noix, dansait sur les grandes lames de l'Atlantique. Je fus malade comme tous ceux qui étaient à bord. Vers 10 heures, l'ordre vint d'accoster. Je montai à bord du Sfax où je fus reçu par le commandant Sgon, qui me conduisit à la cabine de sous-officier qui avait été spécialement aménagée pour moi. La fenêtre de la cabine avait été grillée. Je pense que c'est une opération qui a provoqué ma longue attente à bord de la chaloupe du pénitencier. La porte vitrée était gardée par un factionnaire en armes. Le soir, je compris au mouvement du navire que le Sfax venait de lever l'ancre et se mettait en marche. Mon régime à bord du Sfax était celui d'un officier aux arrêts de rigueur. J'avais 1 heure le matin, 1 heure le soir pour me promener sur le pont. Le reste du temps, j'étais renfermé dans ma cabine. Pendant mon séjour à bord du Sfax, je me conformais à la conduite que j'avais adoptée dès le début, par sentiment de dignité personnelle, me considérant comme l'égal de tous. En dehors des besoins du service, je ne parlais à personne. Le dimanche 18 juin, nous arrivâmes aux îles du Cap-Vert, où le Sfax fit du charbon, et nous en repartîmes le mardi 20. La marche du navire était lente, 8 à 9 nœuds à l'heure. Le 30 juin, nous fûmes en vue des côtes françaises. Après 5 années de martyre, je revenais pour chercher la justice. L'horrible cauchemar prenait fin. Je croyais que les hommes avaient reconnu leur erreur. Je m'attendais à trouver les miens, puis, derrière les miens, mes camarades qui m'attendaient, les bras ouverts, les larmes aux yeux. Le jour même, j'eus la première désillusion, la première impression triste et douloureuse. Dans la matinée du 30, le Sfax stoppa. Je fus informé qu'un bateau viendrait me chercher pour me débarquer, sans qu'on voulût me dire où serait effectué le débarquement. Un premier bateau parut. Il apportait simplement l'ordre de faire des exercices en pleine mer. Le débarquement était remis. Toutes ces précautions, toutes ces allées et venues mystérieuses produisirent en moi une pénible impression. J'eus comme une vague intuition des événements. Dans l'après-midi, le Sfax reprit sa marche lente en longeant les côtes. Vers 7 heures du soir, le croiseur stoppa de nouveau. La nuit était noire, l'atmosphère brumeuse, la pluie tombait par rafales. Je fus prévenu que le bateau à vapeur viendrait me prendre dans la soirée. À 9 heures du soir, on vint me dire qu'un canot était au bas de l'échelle du Sfax pour me conduire au bateau à vapeur qui était arrivé, mais qu'il ne pouvait se rapprocher davantage à cause du mauvais temps. La mer était démontée, le vent soufflait en tempête, la pluie tombait abondamment. Le canot, soulevé par les flots, faisait des bonds effrayants au bas de l'échelle du Sfax où il avait peine à se mettre. Je ne pus que m'y précipiter et je me heurtai violemment contre le bordage, me blessant assez profondément. Le canot se mit en marche sous les rafales de pluie. Saisi aussi bien par les émotions de ce débarquement que par le froid et l'humidité pénétrantes, je fus pris d'un violent accès de fièvre et me mis à claquer des dents. À force de volonté et d'énergie, je pus cependant me dominer. Après une course folle sur les vagues écumantes, nous abordâmes au bateau à vapeur, dont je pus à peine gravir l'échelle, souffrant de la blessure que je m'étais faite aux jambes en me précipitant dans le canot. J'observais toujours le même silence. Le bateau à vapeur se mit en marche puis stoppa. J'ignorais totalement où j'étais, où j'allais. Pas un mot ne m'avait été adressé. Après 1 heure ou 2 d'attente, je fus invité à descendre dans le canot du bord. La nuit était toujours aussi noire, la pluie continuait à tomber, mais la mer était plus calme. Je me rendis compte que nous devions être dans un port. À 2h15 du matin, j'abordai à un endroit que je sus depuis être port Hooligan. Là, je fus introduit dans une calèche avec un capitaine de gendarmerie et 2 gendarmes. Entre 2 haies de soldats, cette calèche me mena à une gare. En gare, je montai, toujours avec les mêmes compagnons, sans qu'une parole ait été échangée, dans un train qui, après 2 ou 3 heures de marche, m'amena à une autre gare où je descendis. J'y trouvai une nouvelle calèche qui me mena au grand trot à une ville, puis pénétra dans une cour. Je descendis et je m'aperçus alors au personnel qui m'entourait que j'étais dans la prison militaire de Rennes. Il était environ 6 heures du matin. On comprend quelles avaient été successivement ma surprise, ma stupéfaction, ma tristesse, ma douleur extrême d'un pareil retour dans ma patrie. Là où je croyais trouver des hommes unis dans une commune pensée de justice et de vérité, désireux de faire oublier toute la douleur d'une effroyable erreur judiciaire, je ne trouvais que des visages anxieux, des précautions minutieuses, un débarquement fou en pleine nuit sur une mer démontée, des souffrances physiques venant se joindre à ma douleur morale. Heureusement que pendant les longs et tristes mois de ma captivité, j'avais su imposer à mon moral, à mes nerfs, à mon corps, une immense force de résistance.